Amis humains, bonjour. Voici une petite mise à jour de la pensée d'Albert Camus. En ces temps où l'humain a tendance à devenir une valeur plutôt relative. Troisième partie. Entre science et désir. Dans le présent, néanmoins, la familiarité avec le monde et sa maîtrise semblent atteignables, bien que par procuration, à travers la connaissance. Mais en réalité, pour l'homme en tant que désir de raison et non de bonheur illusoire, le seul horizon est celui d'une nouvelle déchirure. Car seule une science qui fournisse une vérité complète, globale, définitive, pourra satisfaire la soif d'infini. Un tout savoir qui fasse que la réalité soit au moins complètement transparente, pour que l'homme puisse la vivre, au moins intellectuellement, comme sa demeure. Mais la science ne nous fournit pas même ce simulacre d'absolu, peut-être est-ce pour cela que les métaphysiques et les post-métaphysiques se présentent comme des « sciences » et des « vérités » d'ordre supérieur. La connaissance scientifique, comme le souligne Camus à plusieurs reprises, ne nous donne qu'une connaissance fragmentaire, il y a des vérités mais point de vérité. Il ne s'agit pas, cependant, d'une inadéquation de la science, bien qu'à certaines occasions Camus semble se laisser aller à des langueurs anti-scientifiques. Étant donné que la vérité partielle et toujours provisoire fournie par la science n'apaise pas le besoin d'absolu et la nostalgie de la totalité, il faudra non pas faire le procès de la science, mais renoncer à la démesure qui règne en maître sur le cœur de l'homme. On ne peut demander à la science ce qu'elle ne peut nous donner, et qui pourtant reste ce qu'il y a de plus important, comme le rappellera également Wittgenstein, la réponse à la question du sens. Il s'agit au contraire de ne pas toucher à l'image du monde qui nous est présentée par la science moderne, bien qu'elle réduise à néant les illusions produites par notre désir, et qu'elle nous décrive un monde étranger, indifférent, sans âme et sans but, ce chaos, ce hasard roi. La science moderne s'exprime d'ailleurs avec les mêmes mots. Jacques Monod écrit « Le hasard pur, le seul hasard, liberté absolue mais aveugle, à la racine même du prodigieux édifice de l'évolution, cette notion centrale de la biologie moderne n'est plus aujourd'hui une hypothèse parmi d'autres possibles ou plus ou moins concevables. Elle est la seule concevable. Au lieu de cela, nous, les hommes, nous nous voulons nécessaires, inévitables, ordonnés de tout temps. » Toutes les religions, presque toutes les philosophies, une partie même de la science, témoignent de l'inlassable, héroïque effort de l'humanité niant désespérément sa propre contingence. La domination de la science sur le monde moderne est donc une légende. Nos sociétés ont accepté les richesses et les pouvoirs que la science leur découvrait. Mais elles n'ont pas accepté le plus profond message de la science, l'exigence d'une révision totale des fondements de l'éthique. La séparation radicale entre les faits et les valeurs, la logique d'un désenchantement définitif et irrémédiable. Pire, les sociétés libérales d'Occident enseignent encore, du bout des lèvres, comme base de leur morale, un écœurant mélange de religiosité judéo-chrétienne, de progressisme scientiste, de croyance en des droits naturels de l'homme et de pragmatisme utilitariste. L'éthique du désenchantement, fidèle à la science, est en revanche clairement présente chez Camus. Il faut chercher ce qui est vrai, tout en sachant que cela ne coïncide pas, et même en contradiction avec, ce qui est souhaitable. L'homme doit vivre seulement avec ce qu'il sait, s'arranger de ce qui est et ne rien faire intervenir qui ne soit certain, et c'est par la lucidité de la finitude qu'il retrouvera enfin le vin de l'absurde et le pain de l'indifférence dont il nourrit sa grandeur. L'homme a rencontré ce qui est, mais qui n'est pas désirable, dès le moment de rupture brutale qui l'arrache à l'opacité de l'habitude, l'étrangeté, la multiplicité, la mort, son existence irrémédiablement et inévitablement finie. C'est cela, aussi, que nous dit la science moderne. Il s'agit alors de ne pas la trahir, car ce faisant on trahirait l'existence elle-même. Camus refuse donc la sirène de Kierkegaard quand, comme Ignace de Loyola, il clame que l'intelligence doit ici sacrifier son orgueil et la raison s'incliner. La raison est vaine, certes, si l'on attend de la science qu'elle nous révèle le sens de l'univers. Mais elle n'est vaine que parce que la démesure de notre désir d'absolu et de consolation l'a chargée d'une tâche qui n'est pas la sienne. Quant au reste, il n'y a rien au-delà de la raison, et l'absurde n'est autre que la raison lucide qui constate ses limites. Monod écrira que les idées dotées du plus haut pouvoir d'invasion sont celles qui expliquent l'homme en lui assignant sa place dans une destinée immanente, au sein de laquelle se dissout son angoisse, mais c'est précisément en cela que consiste le mensonge d'une modernité, en définitive hostile à la science. La philosophie de Camus n'est pas de même nature. Elle ne cède rien à la consolation ni à sa logique. Mieux vaut le désespoir que les « roses de l'illusion » dont se nourrit l'âne et qui nous font accepter le mensonge. Contre ce mensonge, Camus maintient lui aussi que le destin de l'homme n'est écrit nulle part. À lui de choisir entre le royaume et les ténèbres. Fin de la troisième partie. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.